sommeil est dans l'œil, dans les yeux de Mireille, qui habite à Montreuil, la cité des merveilles, mais travaille à Auteuil, ça fait loin en métro. C'est tous les jours pareil, dans ce métro cercueil, les gens qui se surveillent ou qui tournent de l'œil, on voit pas le soleil dans l'enfer de Rochereau. Le sommeil est dans l'œil, dans les yeux de Mireille, société de Verneuil, marketing et conseil, qui est à l'appareil, j'écoute Allo Allo. C'est tous les jours pareil, la table et le fauteuil, la machine, la corbeille, tapette des tas de feuilles, bordereau, fiche de paye, dactylo, dactylo. Le sommeil est dans l'œil, dans les yeux de Mireille, un express à mille feuilles, un œil sur le réveil, c'est l'heure où de Verneuil revient dans son bureau. C'est tous les jours pareil, dans ce bureau d'accueil, le rideau vers bouteille, les moulures en trompe-l'œil, et Lambert qui essaye de draguer Marie-Jo. Oh. Le sommeil est dans l'œil, dans les yeux de Mireille, dans cette ville de deuil, pas d'oiseaux, pas d'abeilles, du toc, du tape à l'œil, et partout des autos. Tous les jours pareil, le fric, le portefeuille, veille, veille après veille, elle se vide à vue d'œil, pas de temps, pas d'éveil, toi c'est quoi ton boulot? Oh Mireille, il faut que tu te tailles, que tu quittes ton travail, que tu ailles au soleil, avant d'être trop vieille, pour faire du pédalo, pour faire du pédalo.